J'ai pas le temps pour toi. Si tu m'aimes pas gros, c'est bien pour toi. J'étais tout seul quand je charbonnais la coque à la tour 3. J'suis pas très courtois, j'fais partie des lourds poids. Tu me soutiens pas, merlige gros, j'suis écouté jusqu'à Tourcoing. J'arrêterai rap une fois que j'aurai tout baisé. J'attendrai pas le combat pour les Ken, j'vais le faire à la pesée. Et quand ma main serait aisée, j'vais mettre une croix sur mes potes. J'vais leur rappeler manière qu'ils m'ont fait quand j'avais pas la cote. Ils te diront que c'est ma faute, que j'ai changé pour la thune. Mais ces bâtards ne m'aimeraient pas si j'étais pas à l'actu. On a grandi à la dure, donc normal qu'on a fait du sale. Quand papa me frappait, il avait peur de l'assistante sociale. J'faisais bagarre à l'école, y'avait pas grand chose dans le sac. Demande à Zach, Caribène, y'avait du sang sur les sapes. Et les vrais savent que tu peux t'entraîner à la salle. J'vais tellement te frapper fort que tu vas pleurer du sang. Et quand la police tape fort, la daronne faisait de la peine. On a pris 2-3 ans en plus, comme des cons, on a fait appel. J'me rappelle, y'avait pas de label, pas de beatmaker à Herbel. Si tu veux percer, faut pas avoir de cœur. Et quand tu meurs, t'auras 2-3 potes qui vont verser la goutte. Les autres s'en battent les couilles le soir même, iront baiser des putes. Gros, tu m'écoutes, y'a plus d'amitié, y'a plus de pitié. Tu fais affaire avec ton frère, il voudra plus que la moitié. J'suis dans le quartier depuis jeune, mais je sais de quoi je parle. Oui, j'ai percé dans la zic, et je sais de quoi je pars. Quand je vois le salaire d'un guetteur, je me dis que c'est mieux d'aller taffer. C'est pas une vie si tu rates le hara, le gérant vient de pas fait. Finir en GAV avec un mec à la boca. Tu croyais quoi que les mecs du charbon allaient te payer l'avocat? Tu peux rêver. Parlons shit, en ce moment c'est la chute. Bien sûr, si tu t'appelles Rachid et si tu finis devant la juge, les charbonneurs font des manières à croire que le charbon est à eux. Serre-moi une 30, je vais te payer en faux billet de 500 E. Et toi aussi, tu vas te faire baffer. Parle pas trop, ça fait des trous. Parle pas trop, parle pas trop, parle pas trop. Je me répète quand j'ai pas d'inspiration. J'envoie des mots comme constellation. Mais je sais pas ce que ça veut dire, alors je vais te parler de calage, de trahison et de pute. Gros fils de pute, toi t'es un trait, je l'ai dit depuis le début. On veut la fraîche comme dans la montagne, je te le baisse, mon affèche. DJ, c'est mon cousin car j'ai le même sang cœur et ta flèche. Je suis en full dolce, préviens le portier. Mes frères c'est des voleurs qui sont reconvertis en postier. Je suis dans le ciné, on m'a dit gros tu crèves l'écran. Ils m'ont hagal quand j'étais petit. Aujourd'hui je crève l'écran à bord d'un GTS. Je fais des salaires de ministre, j'ai même pas le BTS. Quand t'as beaucoup d'amis, ben t'as beaucoup d'ennuis. T'as beaucoup moins d'argent de côté car t'as beaucoup d'anif. Et quand j'écoutais Calif, j'étais au collège d'Arus Milio. Ben oui Mino, j'étais en sec pas, aujourd'hui je voyage à Rio. Sous-estime pas les jeunes qui veulent tout baiser. Y'a des frères mus qui ont peur de Dieu mais qui pensent à tout raser. Parce que l'État nous casse les couilles quand y'a un problème, c'est nous. Quand y'a des fous qui portent les armes pour faire de la merde, c'est nous. La délinquance dans les quartiers, ben c'est la même, c'est nous. Quand vous avez besoin de gaz, qui vous appelez, c'est nous.